La communauté internationale exalte les exploits immortels du général Kim Jong-il accomplis pour la réunification de la patrie. La déclaration commune du Comité suisse-coréen et du Cercle suisse d'études des idées jetées et la déclaration du Parti communiste de la Nouvelle-Yougoslavie de Serbie ont noté que grâce à la volonté de faire, à la largeur d'esprit et à la magnanimité du dirigeant Kim Jong-il, la rencontre au sommet Nord-Sud s'est déroulée en juin 2000 pour la première fois dans l'histoire de la division de la Corée. Et on a adopté la déclaration commune du 15 juin qui reflète la volonté et l'aspiration de toute la nation coréenne du Nord et du Sud pour la réunification. L'Association britannique d'études de la politique de Sun-gun et le Parti communiste allemand ont présenté dans leur page d'internet les écrits qui notent que la déclaration commune du 15 juin est le grand programme commun de la nation coréenne pour la réunification qui a été applaudi même à l'Assemblée générale de l'ONU. Le président du mouvement pour l'indépendance nationale du Pérou pour le vote libre a témoigné de nouveau du soutien et de la solidarité absolue à la lutte du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée et de son peuple pour réunifier le pays par voie pacifique et en toute indépendance conformément à l'esprit de la déclaration commune et demander catégoriquement le respect de cette déclaration et son application parfaite à toutes les forces anti-réunificatrices.